Le chat du rabbin de Johann Svar, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Deuxième épisode, la dictée. Un matin, mon maître a reçu deux lettres. Bizarrement, il semblait pas vouloir les ouvrir. Ce café est délicieux. Merci, ma fille. Une des lettres venait de Paris. L'autre était tellement abîmée qu'on aurait dit qu'elle avait traversé le désert. Tu n'as pas hâte de savoir ce qu'il y a dans ces lettres, papa? Non. Je lirai plus tard. Zlabia n'a pas osé lui courir derrière. Mais moi, si. En fait, je pensais que le rabbin faisait durer le plaisir. Bonjour, Ravi. Quelle belle journée, hein? Bonjour, mon ami. Il voulait sans doute s'installer dans un endroit tranquille pour ouvrir son courrier. La terrasse du café L'Univers, que tient la famille Carbonel, présente un ensoleillement parfait. D'habitude, nous ne fréquentons pas ce café. Mais ce jour-là, c'était un peu exceptionnel. Alors mon maître s'est assis à la plus belle table. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire ici? Tu peux commander du lait pour moi? Excusez-moi, monsieur, mais l'établissement ne sert ni les Arabes ni les Juifs. Ah! Mais ça n'est mentionné nulle part, il me semble. Je vous prie de bien vouloir déguerpir, monsieur. Et votre chat aussi. Ah bon? Excusez-nous. Voilà. Super, quoi, le café. Au moins, le soleil est à tout le monde. Et puis ici, il y a de l'eau. Il y a le meilleur... des boissons. J'aurais préféré une petite coupelle de lait, mais bon. Bon alors, on les ouvre ces lettres? Ah. Ravi, vous tombez bien. Qui c'est celui-là? C'est toi qui me tombe dessus, Birkata Kohanim. Alors, comment va ton épouse? Elle va bien, Dieu merci. Elle crie tout le temps, c'est signe qu'elle est en forme. J'espère que mes filles n'auront pas le même caractère, parce que pour les marier, mesquina. Oui. Il faudrait l'aide de Dieu et des prophètes, et des maris sourds. Oui. Rabbi, j'ai une question à te poser. Je t'écoute, Birkata Kohanim. Voilà. Les Askenazim attendent 5 heures pour boire du lait après la viande. Oui. Les Séphardim, 3. Oui. Imaginez que je doive manger avec un de ces juifs du froid et que j'ai envie de lait 4 heures après le frigo. Oui. Oh, Dieu sait quelle viande ils font dans leur Pologne. Ouh là là là là là, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec lui. Eh bien, est-ce que j'aurai le droit de boire du lait en tant que séfarade, ou bien est-ce que je devrais me conformer à ces coutumes de juifs polaires par respect pour lui? Tu connais des Ashkenazes, toi, Birkata Kohanim? Non. Alors, pourquoi tu poses la question? Bon, vas-tu finir par me dire ce qu'il y a dans ces lettres? J'aime bien savoir des choses que tu ignores, petite maîtresse. Parle! Tu sais que j'ai pas le droit de t'adresser la parole, normalement. Parle! Contre un poisson. Très bien. Et tu peux pas me caresser aussi un peu dans le cou, là, juste là? Une fessée, ça te dit? Allez, parle. Oh, le rabbin serait pas content de savoir que je continue à te parler. C'est notre secret. Alors? Bon, voilà. Une lettre vient de Paris, on propose au rabbin d'être agréé par le consistoire des Juifs de France. Et l'autre, c'est du cousin Malka. Le Malka des Lions? Malka des Lions vient nous voir. Il dormira chez nous, dans ma maison. Wow. On pourra venir le voir? Bien sûr, il fera des spectacles dans toute la ville. Et à la synagogue, il dira la paracha. Non, mais est-ce qu'on pourra venir le voir chez toi? Ça, ça m'étonnerait. Il sera sûrement très fatigué. Le Malka des Lions. Je pense que je serai une bonne épouse pour lui. Comment tu peux dire ça? Il t'a jamais vu. Bah, ma sœur n'avait jamais vu son mari avant de l'épouser. Et pourtant, c'est un bon mari. Idiote. Le Malka des Lions ne s'intéressera certainement pas à toi. Il n'aime que les filles du désert. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais. Si, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle était amoureuse de lui dans le temps. Dans le temps? Il doit être vieux alors. Taisez-vous, vous ne savez rien de lui. Je vais vous raconter une histoire sur le Malka des Lions. Une nuit, alors qu'il s'était arrêté dans une oasis, il récitait des psaumes en s'accompagnant aux luttes. Il avait pas un cheval blanc tant que t'y es? Ah là, vous êtes bête! Dans cette oasis, un camp avait été installé. Des bédouins? Non, des Anglais, de Gibraltar. Soudain, un cri de femme retentit dans une des tentes. Les autres Anglais n'étaient pas là? Non, mais tais-toi, laisse-moi raconter. Je la connais, ton histoire. Il y avait un lion dans la tente et le Malka est entré et a sauvé la femme. Ah. Mais pas du tout, tu sais rien du tout. La femme était nue, figure-toi. Les non-juives, elles sont toujours nues. Toutes nues? Ouais, et pleines de savon. Alors pour pas l'offenser, le Malka a pénétré dans la tente, les yeux fermés. Et les yeux fermés, il a dompté le lion et l'a fait sortir. Et le Malka, il est sorti combien de temps après de la tente de l'Anglaise? Mais je te dis qu'il avait les yeux fermés. Il est sorti aussitôt après le lion. Il n'a pas fait de remarques bêtes ou des choses de charmeur. Je te crois, c'est un homme pieux. Moi, je crois qu'une fille pleine de savon et qui a peur des lions, il en a rien à faire. Bah, moi j'arrête. Tu sais, maîtresse, moi, je connais la vraie version de cette histoire. Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Tu sais, le lion, je lui ai parlé. Mm. C'est un vieux lion. C'est aussi un ami de Malka. Quoi? Mais oui, en fait, c'est un petit numéro qu'ils ont mis au point tous les deux. Le lion va faire peur à quelqu'un, et Malka arrive et règle la situation. Alors parfois, ça lui rapporte rien d'autre qu'un peu de gloire, mais parfois, il a le droit à de l'argent, à des petits cadeaux, et avec les dames... Là, ça suffit. Ah bah... T'as pas envie d'avoir la suite? Tais-toi! Un mot de plus et je dis à papa que tu continues à me parler. Zabia! Oui, papa? Zabia! Tu veux bien me prêter quelques-uns de tes livres en français? Des livres? Pourquoi faire, papa? Une dictée. Je vais devenir le rabbin officiel de notre communauté. Mais papa, tu es déjà le rabbin. Non, là je suis juste rabbin comme ça. Mais si je réussis cette dictée, je serai agréé par le consistoire israélite de France. Et il me nommera... rabbin officiel. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec qui est rabbin ici, les Français? Et pourquoi ils veulent te faire une dictée? Pour voir si je suis apte. Tu veux quand même pas qu'ils nomment n'importe qui rabbin officiel? Si, c'est ça que tu veux? Moi, je trouve ça humiliant qu'ils te fassent faire une dictée. Ah, mais qu'est-ce que tu y comprends, toi? Allez, donne-moi plutôt tes livres. Fable de La Fontaine. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme un imbécile? Tiens, rends-toi utile, dicte-moi. Si vous voulez. Daphné, on dit Daphnis, et Alcimadur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre. C'est une fable de La Fontaine qui a un titre pareil? Oui. T'as qu'à en choisir une autre. Bon. Le cierge. C'est tout ce que tu as trouvé. Une autre fable. Allez, vite. Jupiter et le passager. Oh, combien le péril enrichirait les dieux. Les dieux? Bah oui. Non, ça va pas. Trouve-moi une fable monothéiste. Avec des animaux. Ah, des animaux normaux, dont on sait le nom. Bon. Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va, ça? Paf. parfait. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable composée uniquement d'animaux cachers. Oh, tais-toi. Lis. Je m'attends où je lis. Lis. Du palais d'un jeune lapin. Dame Belette. Un beau matin. Mais doucement. Ce. Doucement. Ceci ressemble fort tôt. Débat. Au débat. Mais pourquoi tu siffles comme ça? Au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Oh, oh, oh, oh! Se rapportant. Au roi. Roi. Voilà. J'ai fini. Alors? Écoute, maître, tu t'en sortiras jamais sans moi. Quoi? J'écris quand même pas si mal. Ah non, mais la calligraphie est bonne, maître, mais dans une dictée, c'est surtout l'orthographe qui compte. Ah. Je sais ce qu'on va faire. On va prier. Prie si tu veux. Moi, je t'accompagnerai le jour de la dictée et je la ferai à ta place. Mais comment oses-tu proposer ça? C'est complètement malhonnête. Écoute, maître chéri, on n'a pas besoin de respecter la loi quand elle est faite par des fous. Tu es rabbin ici depuis 30 ans et ces gens qui n'ont jamais fichu un pied chez nous en Algérie veulent dire maintenant qui est rabbin ou pas. Et pour faire la prière en hébreu à des juifs qui parlent arabe, ils veulent que tu écrives en français. Pour moi, ce sont des fous. Tu crois? De toute façon, tu n'as pas le choix. Sans moi, tu es sûr d'échouer. Qui c'est qui va faire une dictée? La dictée devait se dérouler dans une école. C'est là. Je pensais qu'il y aurait d'autres rabbins à tenter le concours. Mais non. À notre arrivée, il y avait que nous. Ah, bonjour. Entrez. Allez. Oui. Attendez. Lui, là, le chat, il reste dehors. Mais c'est la réincarnation de mon trésaïeul, un rabbin miraculeux dont l'arrière-grand... Je ne veux pas le savoir. Les animaux sont interdits dans l'école. Oh, mince. Bon. Venez. Par la fenêtre, je pouvais observer mon maître dans la salle de classe. Asseyez-vous. Mais c'était pas comme ça que j'allais pouvoir l'aider à faire cette satanée dictée. Vous êtes prêts? Oui. Alors, nous savons que vous souffrez d'une grande peine parce que vous êtes séparés de nous. Souffrez-vous. Nous savons que vous souffrez d'une grande peine. Moins vite. Parce que vous êtes séparés. S'il vous plaît, moins vite. Je le voyais qui se mordait le pouce, qui raturait. Il n'y arriverait pas. Il fallait que je fasse quelque chose. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Chez les Juifs, on dit le nom de Dieu que pendant les vraies prières. Quand on apprend les prières, on ne dit pas Adonai, on dit Adoshem. Pour ne pas dire le nom sacré vraiment. Nos pères ont vécu longtemps ensemble. Et quand on écrit le nom de Dieu, faut être certain que le papier où c'est écrit ne sera jamais jeté. Tout papier où figure le nom de Dieu est comme un être vivant. D'une même patrie. C'est chez vous. Oh, mais moi vite. Citoyen. Que fut chanté pour la première fois. Citoyen, attendez, citoyen. De quoi? Citoyen d'une même patrie. Ouais. C'est chez vous, à Strasbourg, que fut chanté pour la première fois. Quand les livres de prière sont vieux et inutilisables, on les porte en terre au cimetière, comme s'ils étaient de vieux sages. Celui qui brûle un livre ou la Torah sera jugé comme le pire des meurtriers. Et rien ne pourra l'excuser ou effacer sa faute. Ni la passion, ni l'ignorance. La Marseillaise. Strasbourg, la chanson, on dit. Et la Révolution, achevant l'œuvre de nos rois, la Marseillaise, a fait des Alsaciens de vrais Français. Une fois, quand j'étais un petit chat, il y a eu une émeute d'Arabes. Ils en avaient après les Français. Mais comme les Français étaient trop forts, ils ont débarqué dans le quartier des Juifs avec des piques et des fusils. Les janissaires sont venus nous chercher pour nous mettre à l'abri. Ils nous ont mis dans un entrepôt et ils ont commencé à barricader. Mais mon maître s'inquiétait pour ses livres. Il disait qu'il n'était pas en sécurité. Alors il a demandé à sortir. Ça va pas, non? Mais c'est très important, si mes livres sont brûlés, ce sera ma faute. Et Dieu ne me pardonnera jamais. Il est allé voir le chef des janissaires et lui a expliqué qu'il avait des livres sacrés. Ah, oui. Tu as la cabale? Des livres de formules? Oui, mais le plus sacré, c'est mon livre de prière. C'est le livre dans lequel mon père lisait, dans lequel il a fait ses prières 3 fois par jour, durant toute sa vie. Bon, on y va, mais c'est exceptionnel, hein? Alors le chef des janissaires a pris mon maître par le bras et tous deux sont sortis dans la nuit pour aller chercher le livre. Avant-garde de la France. Et aujourd'hui, mon maître, qui aime tant les livres, est en train de louper sa dictée. L'avant-garde de la France. Il faut un miracle. Je vais accomplir un sacrilège magique. Je vais invoquer le nom de Dieu. Mais là, ce ne sera pas en vain. Au bord du Rhin. Rhin. Au bord du Rhin. La frontière de la France. De la France, oui, bon, ça c'est facile. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive là? Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Miaou! Mais non, c'est pas vrai! C'est Strasbourg. Il faut. Voilà, ça c'est. Il faut relire, monsieur. Marseillaise. C'est bon? Bah oui. En sortant de l'école, mon maître faisait une drôle de tête. J'aurais bien aimé savoir comment ça s'était passé. Quoi? Si tu crois que je suis d'humeur à rire de tes imbécilités... Alors, comment ça s'est passé? Vas-y, tu peux parler, personne n'attend. Mais tu te moques de moi, là. Papa, je crois que le chat ne sait plus parler. Tu parles au chat, toi? Non. Mais miaule. Eh bien, qu'il miaule. Je ne sais pas. J'ai fait de mon mieux, mais je crois que ça ne suffira pas. Depuis la dictée, mon maître n'avait plus goût à rien. Même les chefs qui grimpent dans les acacias pour trouver à manger ne le faisaient plus rire. Tous les matins, il avait peur en entendant le vélo du facteur. Bonjour, Rabbi. Désolé, j'ai pas de courrier pour vous aujourd'hui. Très bien. Bonne journée. La vérité, c'est qu'il n'avait même pas besoin d'une lettre. Il savait que c'était fichu. Et moi qui n'avais plus la parole, je pouvais rien faire. Un jour pourtant, il a retrouvé le sourire. Malka est en ville. C'est formidable, papa. Il vient à la maison? Non, je lui ai donné rendez-vous. Où ça? Au café Carbodel. Au café Carbodel? Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Peut-être que c'est cette histoire de dictée qui lui avait fait perdre la tête. Il est allé se cacher au coin de la rue, près du café, et il a attendu que le cousin arrive. Cette table est libre? Oui. Le cousin Malka avait un fusil à la main. Et son lion était à ses côtés. Qu'est-ce que ce sera? Une anisette glacée. Malka, mon cousin! Voilà, toi! Buen día! Istuisha, como está? Très bien, grâce à Dieu! C'est beau! Dieu te bénisse! 10-5! Ramsa, mon cousin! Que Dieu te garde jusqu'à 120 ans! Avec toi et qu'il garde ta fille! Et toi, ton lion! Tous réunis dans la joie! Et la santé! Amen! Amen! Ah. Dis, ça se voit pas trop? Quoi? Mes moustaches, elles sont teintes. Mais non! Tu penses, tu as l'air d'avoir 20 ans! Allez, allez. Je te le dis, sur ma vie, mon cousin, le temps n'a pas de prise sur toi. Sur toi non plus. T'y as maigri, non? Non. T'y es beau quand même. Hé! Hey, shalom, bon. Shalom, petite bête, ton lion. Au moins, les animaux, je pouvais encore leur parler. Ne t'en fais pas, tu seras toujours le rabbin. Non, ils vont faire comme à Oran. Un rabbin tout blanc et sans barbe à venir de France. Il prendra ma place avec ses chaussures à lacets. Il aura des taches de rousseur, des dents de Pologne. Il sentira comme un cadavre. Il fera la prière à ma place. À la place des A, il dira des O. Il ne connaîtra pas nos chants. Ils me garderont juste pour égorger les poules et pour les circoncisions, parce que les rabbins de France, ils ont peur du sang. Oh, si c'est ça, je l'égorgerai moi-même. Ah, oh, tu es gentil. Demande encore un peu d'anisette, mon cousin, avec des lupins et des variantes. Mais demande-toi, s'il te plaît. Parce que moi, je me méfie de ce serveur méchant. Hop, garçon. Oui, monsieur. Une anisette bien fraîche, s'il vous plaît. Encore lui, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il nous veut encore? Oh, celui-là, aucun Polonais ne m'en débarrassera jamais. Rabbi, c'est le vieux chasson Naoum. Il est en train de mourir. Tu es sûr? Oui, il faut des prières. Allons-y, viens, mon cousin. Avec le lion? Oui, ton lion, il porte bonheur. Ouais. Fais-moi alors. Depuis que je parle plus, plus personne fait attention à moi. Mais si, petite bête. Allez, grimpe sur mon dos. À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Sfar. Adaptation. Katel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargo. Deuxième épisode. Avec Rufus, Jonathan Cohen, Suliane Brahim, Charles Gonzalez, Fred Ulysse, Lionel Mur, Patrice Keller, Philippe Bertin, Élise Roth, Pauline Ziadé, Rislen El Cohen, Marc Witkock, Philippe Lodenbach, Malik Faraoun, Mostefa Djadjam, Jamel Barbouche. Et les voix de Ève Rouvière, Henri David Cohen, François Hatt, Stéphane Butel, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hainaut et Biquette Egorov. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Ossier.